Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez votre podcast qui transpire le catch. Hein, ici, toutes les semaines, on résume, on analyse mon Day Nitro. Pour m'accompagner ce soir, l'inimitable Raph. Comment ça va, mon bon Raph? Ça va bien. Et toi, Ringside? Deuxième semaine pour nous, hein. J'espère qu'on va continuer sur notre bonne lancée. C'est ça, on continue, on ne s'arrête pas. On est en direct, on vous l'a promis, hein. On est toutes les semaines en direct désormais, en vidéo. Et on a regardé Monday Night Raw pour vous. Nous, on l'a vraiment regardé, contrairement aux podcasts concurrents hein, qui suffisent des highlights. Hein, ou alors, on regarde les résumés, puis on ne regarde pas les matchs parce que c'est trop long, c'est pas bien, Monday Night Raw, gna gna gna, gna gna gna. Ben non, ici, on regarde tout. Voilà. Et on balance sur la concurrence, on est les meilleurs de toute façon. C'est ça, il n'y a pas à chier. L'Euro du 11 décembre, donc, hein, on va attaquer. Ça se passe à Cleveland. Et qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Au programme, Samoa Joe défie le beau Roman. Le vestiaire féminin se rebiffe. Battle de rire hystérique. Titus Worldwide embauche. Et c'est la rumba des monstres en main event. Alors, c'est une semaine un peu particulière, hein, Raph, je ne sais pas si tu as vu, c'est la semaine WWE sur le USA Network. Voilà, tous les soirs, un show WWE sur la chaîne américaine, ils vont pouvoir découvrir NXT normalement, notamment plutôt. Et donc, du coup, on a une carte assez chargée avec des matchs de prestige. Alors, on est quasiment sur un pay-per-view ce soir. Dès le début de l'émission, après le résumé de la semaine dernière, on nous annonce un peu les matchs de ce soir. Quatre grosses affiches. Dean Ambrose affronte Samoa Joe. Rollins affronte Sheamus, pardon. Roman Reigns affronte Cesaro, c'est pour le titre intercontinental. Et Strowman affronte Kane. Braun Strowman affronte Kane pour un title shot face à Lesnar pour le titre universel, rien que ça, au Royal Rumble. Donc de belles affiches, hein, parce que par exemple, Dean Ambrose contre Samoa Joe, c'est du jamais vu. Et c'est d'ailleurs ce bon vieux Samoa Joe qui démarre l'émission. Il est au milieu du ring. Il nous parle du Shield, hein, la faction hein, qui réunit donc Roman Reigns, Ambrose et Rollins, dont tout le monde a entendu parler. Et peu importe que vous soyez l'évolution, hein, le clan, le fameux clan de Triple H de l'époque, avec Ric Flair, Batista, Randy Orton, ou que vous soyez l'Undertaker, impossible de faire face au Molosse justicier. Mais lui, il n'est pas impressionné, que ce soit par Rollins, qui a été brisé le premier soir où Joe est arrivé dans le roster. Il n'est pas impressionné non plus par Dean Ambrose, qui nomme qu'il traite de petit cafard, qui a tout fait pour l'éviter dans le roster depuis qu'il est arrivé. Il n'est pas non plus impressionné par Roman Reigns, qu'il a réussi à faire dormir à peu près toutes les semaines, hein, grâce au coquina clutch, sa prise de soumission. Donc tout simplement il va défier Roman hein, ce soir. Il explique que lui il a besoin de personne, ni de Sheamus, ni de Cesaro. Il n'en a rien à faire de Dean Ambrose. Ce qu'il veut tout simplement c'est le beau Roman. On voit le Shield backstage, Rollins et Ambrose qui sont là, qui regardent tout ça sur un écran, puis ils disent bon bah tiens bah va chercher Roman, dit Rollins à Ambrose. Pendant ce temps, on retourne sur Joe dans le ring qui nous rappelle que Roman a été sauvé la semaine dernière par le petit bâtard Jason Jordan et qu'il a fait et que lui, Samoa Joe, hein, il a fait perdre le match à Ambrose et Rollins pour les ceintures tag team. C'est ça l'impact qu'il a sur Monday Night Raw toutes les semaines. Mais ils sont non à lui, c'est Samoa Joe, il se tient seul devant lui, droit dans ses bottes, il est prêt à en découdre. Là-dessus, Roman arrive, il va pour se battre avec Joe, il commence à se foutre sur la gueule. Là-dessus, Cesaro débarque, Sheamus et Cesaro, les champions tag team. On tape sur Roman, Roman est prisonnier du coquina clutch. Passage à tabac en règle. Là-dessus, Ambrose et Rollins débarquent à la rescousse, mais ils se font sécher. White Noise sur Rollins, Urinagi sur Ambrose, les méchants sont triomphants. Une ouverture qui fait mal au Shield, cette ouverture de show. Tu es convaincu par Samoa Joe seul dans le ring qui lance son défi à tout le Shield réuni? Samoa Joe est très bon au micro, moi je l'aime bien. J'ai trouvé un petit peu long quand même là sur la fin. C'est un peu bizarre le temps que Roman Reigns arrive et tout. Il n'arrêtait pas d'ajouter des phrases qui voulaient un peu dire la même chose que ce qu'il était en train de dire depuis 10 minutes. Donc Ouais. ça aurait pu être un peu raccourci, mais sinon, ouais, le début là il est assez prenant là quand il regarde bien la caméra là, quand il dit qu'il n'est pas impressionné. Moi je le trouve assez fort. Après le segment d'entrée, je m'attendais pas à ce qu'il finisse sur la victoire des méchants, donc c'est assez positif. On sent que le Shield va en ramer plus que prévu pour s'imposer, donc c'est plutôt une bonne introduction de show, j'ai trouvé. Ouais, surprenant ce bottage de fesses en règle du Shield là, qui a pas réussi à damer le pion au méchant. Effectivement, c'est un petit peu bizarre ce passage où on voit Rollins et Ambrose aussi devant la télé qui tiens, va chercher Roman, t'as vu ce qui se passe? Était encore sous la douche, peut-être, je Ouais, sais pas. voilà, ou Sécher ses pas, cheveux. s'occuper de ses fleurs, on sait pas. Voilà, en tout cas, c'est assez musclé comme démarrage de show et on voit que Samoa Joe, il est quand même bien solide au micro, même s'il faisait du remplissage quand même pendant un bon moment. Donc on aura la suite de tout ça, hein, puisque toutes les affiches sont bouclées. Hein. On n'a pas très bien compris non plus pourquoi il y avait un défi qui était lancé entre Joe et Roman Reigns, alors que toutes les affiches sont déjà bouclées pour la soirée. C'était assez évident qu'il n'y aurait pas de match entre Reigns et Joe. Mais bon. Allez, on va chez les filles. Mickie James et Bayley débarquent. Elles sont accompagnées de Sasha Banks. Elles sont en équipe pour affronter Paige et Mandy Rose, qui représentent l'Absolution, qui sont également accompagnées de la troisième de l'Absolution, Sonya Deville. On nous rappelle que Sasha faisait un petit voyage à Abu Dhabi, là, où elle a catché pour la première fois, première catcheuse à performer avec Alexa Bliss. À Abu Dhabi, une petite avancée pour les femmes. Donc on a une Bien petite vêtu promo quand même. Hein. bien vêtue, bah oui, non, bah, faut pas déconner hein, quand même. Non. Voilà, hein, pas de... n'allons pas trop loin un peu hein, Pas dans le de nombril. divertissement, c'est ça. Mais bon, ils ont bien besoin d'un peu de catch là-bas. Hein. La catch peut sauver le monde. Alors, petite promo des méchantes hein, qui nous rappelle qu'elles sont là pour foutre le bordel, qu'elles ont dominé le roster hein, depuis qu'elles sont revenues. Le match commence, c'est Bayley qui est isolée, hein, qui prend la hit en début de match. Elle se prend tous les violents coups de genou de Paige, hein, toujours très stiff dans le ring. Mais elle finit par réussir à contrer la série de coups de genou à répétition que donne Paige pardon, dans les cordes, qu'elle distribue dans les cordes. Et là-dessus, elle réussit à faire le hot tag. Donc c'est Mickie James qui rentre dans le ring, elle fait un peu le ménage, mais elle finit par se faire piéger par un big boot de Paige dans le dos de l'arbitre, hein, une petite filouterie, Mandy Rose fait le tomber, c'est la victoire des méchantes, et bah, un peu comme toutes les semaines, on va aller dans la deuxième partie du segment féminin, puisqu'il y a un autre match qui était prévu, le match revanche pardon, entre Asuka et Alicia Fox, hein, Alicia Fox qui s'est fait exploser la semaine dernière. Mais la musique d'Alicia Fox retentit, pas d'Alicia Fox. Hein. Non seulement elle avait perdu contre Asuka, mais elle s'était aussi fait taper dessus par l'Absolution la semaine dernière. Donc l'Absolution débarque, évidemment, hein, c'est toujours un peu la même chose. Et elles nous disent, bon, bah, il n'y a personne. Sia Fox, mon ancienne meilleure amie, nous dit Paige, n'est pas là. On va aller regarder dans les vestiaires ce qui se passe. On a une vidéo où on voit dans les vestiaires, hein, on voit sur le Titantron Alicia Fox qui se tient le coude. Elle a mal apparemment, pourra pas venir catcher. Et donc là-dessus, l'Absolution explique que voilà, ils ont donné sa chance à Asuka. Mais maintenant, il faut savoir, soit elle est de leur côté, soit elle s'écarte, ou soit on va l'écarter du ring. Asuka, elle ne se démonte pas. Elle attaque les trois gourgandines. Ça saoule sur la gueule. Elle se défend bien, Asuka, mais elle finit par être débordée. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Tout le roster féminin qui débarque. Et c'est la vengeance des filles qui viennent bah, passer à tabac, hein, l'Absolution, qui est éjectée du ring assez rapidement. Et on termine sur l'image de toutes les filles réunis dans le ring, et l'Absolution qui bat en retraite. Voilà, ça avance toujours un petit peu, des séquences de la même manière toutes les semaines. T'es toujours convaincu du retour de Paige? Oui, bon, alors précisons, hein, si certains n'ont pas vu le show, c'était quand même bien distant dans le temps ces deux segments, et le segment final c'était juste avant le main event quasiment, donc c'était assez, assez haut placé. Bah, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé ce segment final avec Asuka parce que là j'ai l'impression qu'on tourne une première page de cette histoire d'absolution. Je pense que ça va être fini ces histoires de on a d'abord un match et puis après on intervient un peu plus tard. Et donc là on va avancer un peu et c'était inattendu de voir toutes les filles débarquer et se venger d'absolution. Je pense qu'il y a moyen de creuser des choses dans les semaines à venir entre les filles. Ah, il y a toujours ces gentils, là, Sasha Banks, Bayley, Mickie James, mais il y a aussi Nia Jax qui est venue donner un petit coup de main. Donc il y Ouais, a même moyen de Alexa creuser. Bliss et Nia Jax étaient venus. Ouais, il y a moyen de creuser un peu plus des rivalités. Bon, ça risque d'être juste coup d'un soir que les méchantes s'allient avec les gentils, mais c'était pas inintéressant. Moi, j'ai bien aimé les interactions Bayley-Page dans le match tag team. J'ai trouvé Ouais. il y avait une sympathique agressivité de Bayley et il y aurait quelque chose à creuser là pour la rebooster un peu. Je sais pas si on va partir vers là, mais pour le moment, je suis toujours assez convaincu du retour de Paige, même si j'aime pas trop les segments parlés en fait des deux autres de Ouais, bah Mandy Rose et c'est... Sonya Deville. Ça fait bon, elles sont enfin toutes gamines. Elles sont très vertes, mais ça fait vraiment très très très répété et très récité, alors que Paige, elle déroule. Mais bon. Ouais. Globalement, moi, ça me plaît. Est-ce que toi, t'es convaincu? Ah ouais, moi ça me plaît bien. Bah, c'est sûr que les deux acolytes de Page, elles n'ont pas le naturel au micro qu'a Page, hein, mais bon, ça fait le job. Bon, on sent qu'ils voulaient peut-être un peu montrer la vitrine de tout ce qu'ils avaient en stock au niveau des filles, comme c'était la semaine spéciale USA Network, là. Maintenant, effectivement, comme tu dis, on a vu une Bayley un peu plus agressive. Moi, ça me ferait vraiment plaisir, effectivement, de la voir un peu monter au créneau, être un peu le centre de la rivalité. J'espère que ce ne soit pas trop au programme. Mais ce serait quand même sympa d'avoir un vrai match Paige Bayley, hein, ça c'est sûr. En tout cas, il y a de quoi faire avec cette division-là. Mandy Rose était plutôt convaincante le peu qu'on l'a vu. Je m'attendais à Oui. beaucoup pire. Ça avait l'air encore assez fit dans le ring. Donc, m'a l'air plutôt athlétique. Il y a moyen qu'elle remplisse bien son job. Sonya Deville aussi était plutôt convaincante la semaine dernière. Donc, ma foi, on a envie de les voir un peu interagir maintenant qu'elles sont assez nombreuses dans le roster. On va voir un peu plus tard dans le show qu'il y a un peu des projets pour d'autres filles qui s'éloignent un peu du cas de Paige. Mais, ma foi, ça reste toujours assez intéressant tout ça. Alors, je ne sais pas si on va parler tout de suite de Matt Hardy. J'ai envie de garder ça pour un peu plus tard. Plus tard, je pense, non? Ouais, C'était pas attaquons-nous. si, ouais, c'était pas si tôt hein, dans le segment. Si, figure-toi, Ah bon? bizarrement. Ah ouais. Bon. Bon, on y reviendra un peu après. On en aurait aimé en voir plus, je suppose, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Enzo Amore, champion cruiser, le héros de 205 Live. Drew Gulak, son acolyte, le rejoint dans les vestiaires. Et Drew Gulak nous annonce la révocation de Rich Swann, qui avait gagné une opportunité pour aller affronter Gulak et peut-être avoir un titre, enfin un title shot pour le titre cruiser. Mais ce week-end, Rich Swann a agressé sa petite amie. Il l'a séquestré dans la voiture. Donc, bah, il a été arrêté par la police et bah, il est suspendu indéfiniment par la WWE. Je Il est pense pas viré, que... non? Même pas carrément? Moi, bon, c'est un peu pareil, mais. Ouais, pour l'instant, aux dernières nouvelles que j'avais, suspendu indéfiniment. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à être lourdé. Donc, pour le détail, hein, ils étaient en voiture. Revenez d'un show. D'après ce qu'on sait, Rich Swann aurait été critique envers sa petite amie, qui est aussi catcheuse, qui s'appelle Soo-yoon, je crois, son nom de scène. Apparemment, bah, c'est un peu monté dans le ton. Elle a eu peur de lui et elle a carrément sauté de la voiture. Rich Swann, ce connard-là, il finit par s'arrêter. Il a été là chercher. Headlock pour la remettre dans la voiture, ça sous les yeux des personnes hein, qui étaient là. Il y avait des témoins de la scène qui ont appelé la police et un peu plus loin sur la route, ils se sont fait arrêter et Rich Swann, je crois qu'il est en garde à vue hein, toujours à l'heure actuelle. On ne sait pas plus. Il risque quand même, je crois, 6 ans de prison ou un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est pas ça qui va redorer la division Cruiserweight, c'est sûr. C'est pas bien hein, ce qu'il a fait Rich Swann. Ouais, alors ça c'est pas trop d'excuses à donner. Non. Enfin, ouais. Dive, headlock, hein, peut-être qu'il répétait un match pour Ouais, mais 205 bon. Live, mais je ne pense pas. Non, il va rejoindre l'Exotic Express maintenant. Il peut faire Voilà, ça. c'est ça. Be a lemon. Donc, voilà, ceci étant dit, voilà, c'est fini hein, pour Rich Swann, désolé. Donc Enzo et Gulak discutent. Peu importe qui gagne ce soir, nous dit Enzo. Que ce soit Mustafa Ali, Aira Daivari, même Nia Jax, on s'en fout. Alors, Gulak, qui dit quoi, Nia Jax? Mais pourquoi tu parles de Nia Jax? Et là, Gulak, qui dit, ah, ben, je sais, c'est parce que tu me donnes un conseil, c'est pour que je sois prêt à tout, à affronter n'importe qui. Enzo, il dit, ah ouais, c'est ça, exactement. Pourquoi il pensait à Nia Jax, Enzo? Parce que la semaine dernière, Nia Jax est passé lui faire un petit coucou. Et apparemment, ça lui traîne dans le cerveau. Alors, ça s'étale un peu sur toute la soirée. Je pense qu'on va aller tout de suite. On fait tout d'un coup, ouais. Hein, on fait tous les cruisers d'un coup. Il y a un Fatal Four Way, du coup, de la seconde chance, hein, parce que le Fatal Four Way qu'a gagné Rich Swann est annulé. Ce soir, c'est Cédric Alexander qui affronte Tony Nice, qui affronte Mustapha Ali, qui affronte Aria, pardon, Daivari. Donc Gulak est au commentaire. Alors il y a Michael Cole qui essaye de lui faire avouer. Si tu gagnes, tu vas te coucher devant ton patron Enzo, parce qu'Enzo c'est son patron hein, concrètement dans l'histoire. Gulak qui se démonte pas, il répond toujours la même chose. Oui, je fais du bon boulot à 205 Live. On m'a félicité. Si je là, j'ai une opportunité pour le titre. Voilà. Il sort pas de cette phrase. Hein. Tout le temps, à chaque fois qu'on lui pose la question, il répond toujours à côté de la plaque. Il y a un mec qui est à côté de la plaque aussi, c'est Booker T, qui à un moment donné, les gens sont en train de parler du match, et lui, il est là, il dit une streak, quelle streak? Et on dit non, mais ne parlez pas de ça, Booker. Et il n'était pas très en forme encore ce soir. Donc, Fatal Four Way dans tous les sens, des dives, en veux-tu, en voilà. Et c'est la victoire de Cédric Alexander sur son fameux Lumberjack. Il est interviewé par Charlie Caruso après le match. Il explique que c'est une seconde chance pour lui et que Gulak est le prochain sur sa liste. Enzo et Gulak se retrouvent dans les vestiaires. Gulak se moque un peu de Enzo et Enzo le prend mal. Alors Gulak lui dit mais ça c'est du friendly trash talk, hein, parce qu'on s'insulte en toute amitié. Enzo lui dit écoute on n'est pas potes, hein, c'est pas parce que tu as gagné un match une fois que tu es à mon niveau. Ça se passe pas comme ça. Et je vais te dire un truc, tes PowerPoint, il n'y a qu'un mot pour les décrire. Et là il s'arrête de parler. Gulak. Un peu dans l'expectative, il dit c'est quoi mes PowerPoint? Ah, c'est informatif. Et on voit pourquoi Enzo ça a finalement arrêté de parler. C'est en fait parce qu'il y avait Nia Jax juste à côté, en face, qui est contente de le voir, qui veut un rendez-vous, qui est contente aussi de voir Gulak. Tout le monde est content. Une petite romance qui naît chez les Cruisers. Et donc Cédric Alexander qui affrontera Drew Gulak. Et un match qui était plutôt bien troussé. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Bah déjà sur le match, c'était un peu comme la semaine dernière et pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce que donne la division Cruiserweight. Ça donne de l'intérêt, c'est des très bons matchs, c'est assez rythmé, c'est physique, c'est spectaculaire. Bon, le vainqueur du coup, c'est un peu prévisible. Enfin, ça aurait pu être Mustapha Ali, qui est vraiment Mustapha Ali est quand même vraiment impressionnant, je trouve. Mais bon, là, ils ont choisi. C'est un peu le même type de mec. Hein, que j'espère qu'il est tendre avec sa copine, mais c'est un peu celui qui ressemblait le plus à Rich Swann dans l'histoire. Mais bon, c'est assez logique. Non, je trouve que les Cruisers, ils sont. bien sorti parce que quand même pendant longtemps il y avait ce Neville qui tenait un peu tout le monde et qui était très bon mais qui écrasait un peu toute la division. Et là ils ont tous beaucoup la possibilité de briller, je trouve. Alors, bon, c'est un peu dommage que des mecs comme moi j'aimais bien Gallagher et Kendrick sont pas trop dans l'équation là, mais il y a du monde qui brille. J'ai trouvé Goulak excellent en commentaire, il m'a fait rire plus d'une fois. Et après, bon, je sais pas trop ce qui se trame avec Nia Jax. Je suis pas sûr que ça donne des choses très intéressantes. C'est drôle parce que ça me fait penser à l'espèce de romance qu'il y avait eu entre Tamina et Santino Marella. C'est deux mecs pas spécialement très beaux, avec des consonances tous les deux un peu italiennes. Et puis à côté de la Power Woman, visiblement, ce sont des types qui se des interactions qui se font entre ces personnalités, ces physiques-là. C'est ça, c'est un classique de l'interaction homme-femme à la WWE. Voilà, après, c'est vrai que peut-être que Enzo Amore, un peu échaudé par ce qui était arrivé autour de Lana, il n'a plus trop envie de cibler peut-être ce genre de femme. Ouais, ça va faire du... Effectivement, il va peut-être tirer les leçons du fait d'aller draguer les blondes russes dans les hôtels. Ça fera de beaux enfants, hein. Ça. Métissage, ouais. Qu'ils nous en mettent un de côté, s'ils en font plusieurs. Ça va prendre du temps d'antenne à 205 Live. Est-ce que toi, tu regardais 205 Live là, à l'heure actuelle, ou ça reste... C'est toujours la même chose. Non, j'ai l'impression que les gros trucs se passent à Raw. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu cette finale cette demi-finale entre Alexander et Gulak, mais je pense que ça sera lors d'un Raw. Et le match contre Enzo Amore à la fin, je pense que ça soit soit un Raw, soit au Royal Rumble. Donc, y a pas. C'est un peu comme un show Superstars où je ne sais même pas si ça existe encore, ça, Superstars et Main Event, si, je crois. Main Event existe encore, Superstars a été remplacé par 205 Live, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bah voilà, 205, ça, c'est histoire de les voir, mais ça donne. C'est pas les grosses intrigues. Par contre, ils ont officiellement annoncé là, pour ce Raw qu'il allait avoir des live events 205. Je ne sais pas si tu as vu défiler la bande, je crois que c'est le premier soir où ils nous annoncent qu'il va y avoir des 205 live. Bah, ça, pourquoi pas. Je pense qu'en donnant ce genre de match à Raw, Raw, c'est quand même un show, c'est le show de catch le plus regardé aux États-Unis. Donc, si tu as un 205 qui passe près de chez toi, si c'est pas très cher par rapport à ce que c'est d'habitude les gros Raw ou autres, ma foi, pourquoi pas, ça peut marcher. Moi, j'irais bien voir en live Alexander, Dave Harry et tous ces mecs-là. Donc, à voir ce que ça donne. Ouais. Surtout qu'ils vont dans des petites villes où apparemment il n'y a pas souvent des shows des out shows de la WWE qui passent. Donc, effectivement, c'est des salles plus petites. Ça vise un public peut-être qui n'a pas l'habitude d'avoir un show qui se déplace chez eux. Donc, ça peut tout à fait marcher. Les mecs ont quand même vachement de talent. Maintenant, c'est sûr qu'ils n'ont pas. Il n'y en a aucun qui a du star power. C'est toujours le même problème. À l'échelle mondiale, voire nationale de catch, ça reste des mecs à la WWE qu'on voit toutes les semaines. Donc, ils ont plus de chances de remplir que tous les centaines de petites fédérations. Donc, ça dépend comment ils ficellent leur business plan, mais il y a moyen, je sais pas. Oui, là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que là, à l'heure actuelle, sur les cruisers, on n'a pas. Il n'y a personne. À part Drew Gulak qui commence à être un peu plus fun que les autres, avoir un personnage un peu plus concret, les autres, ça reste des mecs qui sont là pour faire des pirouettes pendant un moment. C'est toujours un peu dommage qu'ils leur lâchent pas la bride encore un peu plus. Le match était pas mal, mais il n'y a quand même pas grand-chose de plus que ce que font les cruisers, les heavyweights en règle générale. Il faudrait que ça aille quand même un peu plus vite, je pense, pour que ça décolle quand même. Parce que on est quand même sur un. Ça reste un truc qui se démarque pas assez du reste du show. Mais au moins ils ont l'occasion de briller tous ces gars-là. Donc on va leur laisser un peu quelques semaines, le temps qu'Hideo Itami arrive, et puis qu'il nous rebooste un peu tout ça. Avançons dans le show. Finn Bálor affronte Curtis Axel a accompagné de Bo Dallas. il a toujours sa Minerve, le Curtis, et parce qu'il a été tabassé par Braun Strowman il y a quand même un mois, à peu près, ou deux. Oui, mais ça met du temps à se réparer, hein, la chirurgie cervicale. C'est vrai, c'est fragile. Les commentateurs nous disent qu'il est normalement OK pour affronter Finn Bálor, il n'a pas besoin de la Minerve. Alors, les deux du Mistourage débarquent et ils pastichent un peu l'entrée de Bálor. Hein. Ils font les cons, ils miment un peu ces trucs. Là, il va même monter sur le coin du ring, Curtis Axel, et faire la pose de Bálor. Avant le match, il va se débarrasser de sa Minerve quand même, histoire de faire « Ah, surprise, j'ai pas mal au cou ». Mais avant que le match débute, Bo Dallas se jette sur Finn Bálor. On le passe à tabac, on le diminue avant que le match commence, hein, en quelque sorte. Mais Finn Bálor veut quand même se lancer dans la bataille, donc la cloche finit par sonner. Le match démarre, donc il se fait un peu dominer, Finn Bálor, mais il revient vite. Sling Blade, Shotgun Dropkick, coup de grâce, hein, le classique. Et c'est la victoire de Bálor et le retour de la Minerve pour le pauvre Curtis Axel qui a l'air de s'être blessé encore une fois. Hein. Bo Dallas vient lui reposer sa Minerve après le match. Donc un Finn Bálor toujours un peu vilain petit canard qui n'a droit qu'à une petite rivalité avec les anciens acolytes du Miz. C'était fun quand même. Oui, c'était rigolo, mais bon, t'as pas tort là. Ce soir, on a quand même, on est quand même depuis 2 semaines sur des très gros Raw avec des très grosses affiches et ils arrivent à nous mettre en valeur les 3 mecs du Shield. On va en parler un peu plus tard. Ils nous mettent en valeur Sheamus et Cesaro, Samoa Joe, Braun Strowman, enfin tous ces mecs qu'on aime bien. Ils sont, enfin, il y a rien à redire sur leur booking. Il reste plus que Bálor en fait, qui est un peu. En dessous. Alors, est-ce que je me suis dit, est-ce que on va pas vers un Bálor qui s'allierait plutôt à Matt Hardy et ce genre de truc, ça pourrait être intéressant. Donc, on va peut-être patienter une semaine ou deux, puisque visiblement, on en reparlera tout à l'heure. Mais que ce soit Hardy d'un côté et Wyatt de l'autre, ils vont étoffer leur armée. Donc, pourquoi pas imaginer les uns d'un côté et les autres de l'autre. En tout cas, là, sur ce Raw, c'est vrai que c'est pas. C'est peut-être le segment qui a fait le plus low card de la soirée, limite. Non, il y en a un autre, mais c'était backstage avec Titus O'Neil. Mais sinon, sur le ring, voilà, c'était le match le plus rapide, je pense, le plus inégal. Mais bon, c'est passé. Enfin, toi, j'imagine que tu es un peu déçu toujours. Oui, ça, c'est sûr. De toute façon, on attendait mieux pour Finn Bálor. Je ne sais pas qu'il envoie à SmackDown s'il n'en veut pas à Raw. Après, c'est quand même sympa, je trouve, de voir Bo Dallas et Curtis Axel pas laissés sur le côté alors que le Miz n'est pas là. Ça pourrait déboucher peut-être sur une rivalité Bálor-Miz, mais il faudrait que le Miz y revienne dans pas trop longtemps, ce qui n'est pas sûr. Ça va toujours être la déception, le fait que Finn Bálor soit mis sur la touche comme ça. Alors que, comme tu dis, effectivement, on remet en avant Rollins et Ambrose qui ont quand même eu plusieurs fois l'occasion de faire leurs preuves. C'est peut-être temps de laisser la place aux autres, mais ma foi, c'est pas pour cette semaine pour le pauvre Bálor. Donc on verra ça dans les semaines qui viennent. Peut-être qu'il y aura des projets cachés pour lui, on ne sait pas. Allez, on va aller voir quelque chose de plus réjouissant. Matt Hardy contre Bray Wyatt. Yeah. On revient avec ces écrans interposés, hein, les deux face caméra. Il y en a un qui parle, puis après, c'est l'autre qui le coupe. Donc, toujours Bray Wyatt qui raconte à peu près toujours les mêmes choses. Il dit que Matt Hardy est un menteur, c'est lui qui connaît le vrai mal, le tapis au cœur de l'homme, etc. Matt Hardy, lui, nous raconte que toujours il a traversé le temps, qu'il était là à toutes les époques, qu'il a bien connu Sister Abigail à l'époque de Babylone, et que maintenant elle fait partie de Bray Wyatt. Elle s'est un peu fusionnée avec Bray Wyatt à l'heure actuelle, fait partie de son être, mais qui va pouvoir la délivrer. Donc il va monter son armée. Et après, ça se termine en bataille de rire, battle de rire. Chacun fait le rire le plus psychopathe possible. Donc, Bray Wyatt nous fait un rire de, un peu de taré serial killer qui fait un peu peur. Mais par contre, Matt Hardy, lui, on dirait une chèvre sous extasie. C'est assez poilant. Il finit en claquant la bouche comme ça. Matt Hardy dans ses œuvres. Bah, c'était cool. Ça t'a fait marrer, toi. Moi, j'étais plié. Hein. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, et puis j'ai bien aimé parce que bon, le Matt Hardy Broken, Woken, j'ai quand même assez fan à l'ex-TNA, donc j'aimerais bien que ça se passe bien à la WWE. À la fin du segment, oui, le public a applaudi, enfin tout le monde avait l'air très content. Bon, sur la bataille de rire, moi je trouve que Bray Wyatt s'en sort mieux, il était impressionnant. On aurait vraiment dit qu'il était en train de rire et qu'il était possédé, alors que Matt Hardy a plutôt, comme tu le dis, surjoué le faux rire qui sonnait creux, mais c'était drôle et je trouve que. Bah, c'est forcément pas du tout le même contexte qu'à la TNA. Il n'est pas broken à cause de son frère, donc il n'y a pas ce côté guerre interne, mais cette espèce d'histoire là de vaisseau, enfin de oui, de que les corps ne sont que des vaisseaux et que là son âme traverse le temps. Il parle de Babylone, enfin ça nous fait un personnage, oui, complètement taré, mais en même temps cultivé, qui sort des références historiques et des guerres et des donc c'est bah, j'espère par contre que c'est la dernière fois où on a juste une interaction caméra à Ouais. caméra, parce qu'on a envie qu'il se passe des trucs. Et comme ils insistent pas mal sur ce côté armé, bon, bah, Bray Wyatt, moi je l'aurais bien vu, la Wyatt Family, comme d'hab, mais ça a l'air de pas être trop parti, je sais pas qui va nous sortir. Mais ouais, j'ai pensé à ça, Finn Balor, avec son côté démon, il ferait un bon allié de Matt Hardy, et ça lui ferait pas plus de mal que ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est ça. En tout cas, ouais, c'était un bon segment et puis c'est cool que ça arrive enfin et c'est cool que ça marche pour le moment plutôt bien. Ouais, ça fonctionne super bien auprès du public. On entend hein, les rires, les hurrahs à chaque fois qu'il apparaît. Toujours été très très populaire à Matt Hardy. Ils n'ont jamais trop voulu le pusher parce qu'il avait des problèmes de drogue et de choses comme ça, un peu autodestructeur. Maintenant, tout ça, c'est derrière lui. Même s'il est en fin de carrière, même s'il est bien usé physiquement, ils auraient quand même intérêt à jouer la carte de Matt Hardy, moi, je pense, sur les mois qui viennent. Oui, bah. Ça peut fonctionner autant qu'un Chris Jericho. Faut donner une place de choix, je pense, à Matt Hardy. J'ai peur qu'il cantonne vraiment à quelques segments dans le show, un peu comme ils avaient fait avec Goldust à un moment donné où il avait eu ses interactions là avec R-Truth. Puis finalement, ça n'avait rien donné. Faudrait pas que ce soit comme ça un pétard mouillé. Il y a moyen de faire quand même des choses super fun, rafraîchissantes avec Matt Hardy. Il Ouais. faudrait vraiment qu'ils jouent la carte du truc. Alors c'est sûr que ça s'intègre peut-être pas dans leur plan, comment ils conçoivent un Raw de manière générale, mais quand tu as de l'or comme ça entre les mains, il faut en profiter, hein, sinon Ouais, ce sera une petite déception. je pense qu'ils vont le jouer, alors peut-être pas main event. Ouais, tu compares à Chris. Ouais, sur le ring, il n'a pas la propreté de Chris Jericho. Chris Jericho, même ces dernières années, là, il pouvait encore sortir des matchs 4 étoiles. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Ouais, Matt Hardy. ça Mais c'est bon, clair par contre. je pense qu'on va être quand même plus haut que Goldust. Parce que enfin, je n'ai pas trop connu la carrière de Goldust, mais je pense qu'il n'a jamais atteint les niveaux de merchandising ou autres qu'ont pu avoir les Hardy Boys. Donc il y a un truc évidemment à faire sur Matt Hardy. En mid-card assez haute, voire en main event, ça je sais pas, mais oui, purement financièrement, il y a de la matière à vendre, il y a quelque chose à finir pour sa carrière, donc j'espère que ouais, ils vont faire un vrai truc un peu plus haut qu'un Matt Hardy Worldwide, Ouais, je ne sais voilà, ce oui, qui. que ce soit pas un truc qui remplace les petits segments de Titus, parce qu'il est vraiment, tu sens que ça fonctionne auprès du public, donc Puis si ils vont Jeff pas souvent. revient. Ouais, il y a Jeff qui revient en plus, alors il y a moyen de faire un sacré truc, hein. Pour une fois qu'ils ont un truc qui marche comme ça, sans qu'ils aient trop à se forcer, il serait quand même bien idiot de passer à côté, hein, moi je pense. Donc voilà, bah du coup, on est obligé d'attendre la semaine prochaine pour les suites de Matt Hardy. C'est bien dommage, mais c'est pas grave, on attendra. Le monstre Ken, The Big Red Machine, est dans les coulisses. Il nous explique qu'avec Braun Strowman, ils se comprennent, hein, entre monstres. Mais ce soir, c'est Ken qui va gagner le title shot et il va affronter pour la première fois de sa carrière Brock Lesnar. Donc ça, c'est le main event, hein, on y reviendra un peu plus tard. Parce que Ken n'a jamais affronté Brock Lesnar toute sa carrière. Eh oui. Alors, un gros match, Rollins contre Sheamus. Ça y est, ils s'affrontent ce soir. Alors, Sheamus, il y avait une information donc, qui était sortie, comme quoi il était blessé à la colonne vertébrale, qu'il a contracté une maladie, là, j'ai plus le nom spécifique en tête. Inquiétude, ouais, il y avait. Voilà, de la maladie qui avait mis fin à la carrière de Edge et de Stone Cold Steve Austin, hein, qui attaque la colonne vertébrale. Et là, les commentateurs ont passé leur temps à nous expliquer que Sheamus, ça va bien. Qui vise le titre universal, qui a changé de façon de s'entraîner, qui revient d'Irlande, il est au taquet. Donc, ils ont tout fait pour nous vendre Sheamus comme un mec qui est au top. Hein. Et dans le match, il s'est pris des sacrés bumps. Donc, il va falloir étudier de près un peu toutes ces rumeurs-là, parce qu'on annonçait quasiment la fin de sa carrière, hein, à Sheamus. Ouais, c'était enfin, je pense qu'on était tous très curieux de voir s'il allait vraiment être là, et il a été là, et putain, il a été plus que là, oui. Plus que là, effectivement. Donc, Rollins contre Sheamus. Donc, deux grosses carrières, hein, deux anciens champions qui ont gagné Money in the Bank, qui l'ont validé Money in the Bank. Donc, évidemment, les dives de Rollins ont toute la puissance de Sheamus qui réussit à rentrer dans le match grâce à la double axe, hein, dans la phase de Rollins qui avait pris un peu l'avantage. Au début, Rollins finit par esquiver l'espèce de Dragon Ball Kick que fait Sheamus dans le coin du ring. On va passer par-dessus la troisième corde, gros bump pour les deux. Il y a un dive qui est esquivé. On va placer un gros coup de genou dans la face de Rollins quand il essaye de remonter dans le ring. Avant la coupure pub, ensuite donc c'est Sheamus qui a l'avantage, il va travailler le genou de Rollins avec des jolies manœuvres. Là, à un moment donné, il le prend dans le coin du ring, il le fait basculer comme ça en lui tenant le genou. C'est assez sympa, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Superplex et Falcon Arrow enchaînés de Rollins sur Sheamus. Rolling Swanton Bomb de Sheamus sur Rollins ensuite. Là, on est en fin de match. Sheamus a l'avantage. Il va tenter le broad kick, s'esquiver, super kick de Rollins. Et évidemment, le coup de genou, le genou dans la face de Sheamus, de l'Irlandais. Victoire de Rollins. Le match a duré très longtemps. C'était vraiment très spectaculaire. Voilà, on est plutôt rassuré sur Sheamus. Est-ce que toi, tu as été convaincu par ce match-là? Ah oui, moi j'ai trouvé que c'est un très très bon match. Je pense on va détailler les autres, mais déjà je pense que c'était le meilleur de la soirée. Et ouais, non, rien à redire. Enfin, Sheamus c'est très très bon. Effectivement, on sait plus trop quoi penser de ces rumeurs, mais là il a donné le maximum. Et puis Rollins, bon, bah, Rollins nous rappelle qu'il est en solo un très bon catcheur. Bon, un peu. Je reparlerai plus tard sur le résultat. J'aurais vraiment bien aimé voir Sheamus gagner. Ça aurait bousculé un peu les hiérarchies. Là, on reste bon, bah, sur du assez attendu. C'est les mecs du Shield qui sont plus forts. Mais non, bah, avoir ça en milieu de Raw, c'est pas mal. Donc, je suis convaincu. J'ai apprécié. Ouais. On n'a pas l'impression qu'ils ont trop protégé Sheamus parce qu'il a pris des sacrés gros bumps. Hein. Il est Bah tombé à oui. l'extérieur du ring, en le dos là, le premier. Je sais pas ce qui. On va suivre un peu les news sur sa santé, mais c'est plutôt rassurant, hein, ce qu'on a vu là. Il y a un très très bon match, hein, effectivement. Hein. Il y a du bon catch à Monday Nitro, hein, toutes les semaines, hein, et surtout quand on a des affiches comme ça. On va avoir ensuite Ambrose dans les coulisses qui est interviewé par René Young et il nous explique, hein, lui pose des questions sur sa tactique pour affronter Samoa Joe. Donc Ambrose, il dit ma tactique, ben, je vais éviter de me faire frapper au visage, Je vais éviter de subir le coquina clutch. Mais bon, je ne devrais pas trop parler de ma tactique à l'antenne. Ça risque de me porter préjudice. Je suis content d'avoir discuté avec toi. Et puis, il s'en va. Toujours un petit peu frappadingue. Donc, ensuite, c'est Cesaro qui affronte Roman Reigns. Le titre intercontinental est en jeu. Ça commence évidemment très fort avec toujours Cesaro et ses souplesses dans tous les sens. Roman Reigns, ses grosses lariates, ses coups dans le coin du ring. Cesaro va travailler le bras de Roman tout le long du match. On va avoir presque un match gagné de Cesaro, un compte de deux après une pop-up European Uppercut assez impressionnant où Cesaro va faire voltiger dans les airs Roman Reigns comme si de rien n'était, le réceptionner avec sa manchette à l'européenne. Ensuite, il va le placer en crossface, hein, parce que Roman Reigns a réussi à se relever, évidemment. Le crossface est contré en powerbomb. On va ensuite avoir un échange de mandales. Le neutralizer est contré par un surpassement. Roman Reigns arrive à placer le spear. Victoire de Reigns après encore un très long match, très disputé et encore une fois assez excellent à mon goût. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, je confirme. Oui, très bon match. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien que celui d'avant. Peut-être du fait de Roman Reigns, c'est pas spécialement pour lui tirer dessus, mais je l'ai trouvé un peu moins inventif que l'a été Rollins. Mais sinon, Cesaro a été excellent. Enfin, c'était. Il y a eu 2-3 mouvements aussi où ils ont. Je pense qu'ils ne sont pas trop compris. Là, il y a eu un petit raté à un moment, mais globalement, non, c'était très très bon. Cesaro, c'est vachement bien qu'il ait des matchs en solo. Bon, là, pour le coup, vu qu'il y avait le titre intercontinental en jeu, il n'y avait pas trop de surprises. On savait comment ça allait se finir, mais c'est vraiment bien que Cesaro, là, montre qu'il a tout à fait le niveau. Ça aurait pu très bien être un match de pay-per-view pour le titre intercontinental. Il y a eu pas mal de créativité. Enfin, je pense au moment là, tu l'as pas redétaillé où Roman Reigns s'apprête à lancer son Superman Punch, mais avec son bras qui a déjà été blessé. Mmh. Et Cesaro lui donne un coup de poing dans le biceps. Enfin, il y avait des contres vraiment rigolos, enfin, vraiment spectaculaires. Et non, c'est très bien. Et donc, Cesaro comme Sheamus ont tout à fait l'étoffe de main eventer. Bon, les mecs du Shield aussi, mais on le savait déjà. Là, il y a rien à redire sur ces interactions et sur ces résultats, mis à part le fait que ça reste les mecs du Shield qui gagnent, mais c'est assez logique. Mmh. Ouais, Cesaro, on le savait très bon. Roman Reigns, il est toujours un très bon worker aussi. À la fois puissant, Cesaro, technique, spectaculaire. Il y a un moment donné aussi, effectivement, j'en ai pas parlé, à la coupure pub, ça se passe pendant la pub où il va exploser Roman Reigns sur les barricades. En le faisant tournoyer là comme il sait le faire d'habitude, assez violent, hein, ils ont explosé les barricades. Il avait fait ça au Miz et un temps, mais là sur Reigns c'est impressionnant. Ouais, alors il manie Reigns comme si c'était le dernier des cruiserweight, hein, Cesaro. Vraiment très très impressionnant, un des meilleurs matchs de l'année je pense de Raw. Non, franchement, on a deux mecs qui sont au top de leur talent là. Ça fait plaisir à voir. En plus, c'était autour du titre intercontinental. Hein. On ne pourra pas dire que Roman Reigns ne défend pas son titre. C'est malheureusement un peu cousu de fil blanc que le Samoan allait gagner. Mais ça reste très bon, très très bon catch. Comme on en voit qu'à la WWE, hein, des trucs comme ça. Strowman, dans les coulisses, il nous explique qu'il va en terminer avec Kane ce soir. Hein. Ça ne va pas durer 1000 ans non plus, cette histoire. Et qui va aller s'occuper de Brock Lesnar. Deuxième tentative pour lui de récupérer le titre universel face à la bête incarnée. Et alors ensuite, on a Kurt Angle et Jason Jordan. Donc Jason Jordan, comme d'habitude, il vient chouiner, il veut un match contre Joe, mais d'abord il arrive, il dit « Ah, excuse-moi pour la semaine dernière, c'est vrai, j'avais pas de raison vraiment de venir pleurnicher comme ça à chaque fois de te demander un match. Mais bon, quand même, ce soir, ce serait bien que j'affronte Samoa Joe, je comprends pas pourquoi tu m'as pas booké contre lui. Je comprends que Stephanie McMahon ne soit pas trop content de ton boulot, c'est quand même pas cohérent ce que tu fais. » Là, Kurt Angle lui dit, écoute, je vais t'expliquer un truc, hein, je vais te donner un conseil. Il y a beaucoup de monde qui veut un match contre Joe. Jason Jordan, il acquiesce, il dit, oui, c'est vrai, mais moi, je suis le seul qui peut le battre. Kurt Angle lui dit, alors, Jason Jordan explique d'ailleurs qu'il a tenu bon contre John Cena, contre Reigns, contre Strowman, hein, qu'il les a combattus comme un homme. Et Angle lui explique, bah oui, écoute, c'est bien de tenir bon dans les matchs, mais en attendant, les matchs, tu les as pas gagnés. Il y a quand même une différence entre perdre un match et le gagner. Tu auras ton match quand je le déciderai. Alors là, Jason Jordan, il dit, ah bon, c'est comme ça, bah ouais, bah ok, ok papa. Enfin, ok papa, ok, je devrais plutôt dire ok Kurt. Et il s'en va. Voilà, il y a de l'eau dans le gaz entre le papa et le fils bâtard. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit segment là, ce petit turn tout doux de Jordan? Bah là, c'était pas mal amené parce que il y a une réaction de suite de Kurt Angle. Hein. C'est pas, ils auraient pu tirer la corde vraiment à fond sur Angle qui accepte tout petit à petit, mais ça aurait fini un moment par être très crédible avec le monsieur qui est quand même un vétéran de la discipline. C'est pas s'il avait vraiment sombré dans le népotisme complet, ça aurait été un peu bizarre. Donc là, non, c'était un bon. C'était un segment où les deux avaient des arguments intéressants, je trouve. Enfin, c'était cohérent avec tout ce qu'on nous raconte depuis le début, donc pourquoi pas. Et puis c'est vrai que Jason continue de jouer sur ce côté dad, tout ça, assez vicieux, assez tordu. Il n'est pas si bête qu'il en a l'air, le garçon, au final. C'est ça, exactement. Bon, c'est très écrit, mais ça passe plutôt bien. On n'a pas eu tant de segments ça backstage pour que on trouve ça ennuyeux. Alors la suite, c'est Dean Ambrose qui affronte Samoa Joe et on retrouve Jason Jordan qui vient avec une chaise s'installer sous le titantron pour regarder le match comme l'avait fait Samoa Joe la semaine dernière quand Jason Jordan affrontait Dean Ambrose Roman Reigns pardon je crois c'est pas le Dean Ambrose des grands soirs hein. Par contre Samoa Joe fait le job, hein, toujours les jabs bien percutants, les Swanton Bomb d'Agogo. On va s'exporter à l'extérieur du ring. Les deux vont passer là, par-dessus la troisième corde. Et là, Jason Jordan va intervenir. Il va prendre Ambrose, le remettre dans le ring. Mais comme c'est un abruti, bah, il va se faire piéger dans le coquina clutch à l'extérieur du ring par Samoa Joe. Ambrose va casser tout ça avec un dive. On se refout sur la gueule, on remonte dans le ring. Ambrose, grâce à une descente du coude, va réussir à faire le tomber sur Joe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben oui, l'arbitre est distrait par Jason Jordan qui est à l'extérieur du ring. Il ne fait pas le tomber. Ambrose est furax. Il descend du ring. Il vient s'expliquer avec Jordan. Jordan va tenter une souplesse, mais c'est tué dans l'œuf par un dive de Samoa Joe qui arrive de nulle part. Les deux sont séparés. Joe va achever Jordan avec une Swanton à l'extérieur du ring. Avant de finir, de remonter dans le ring, finir de se bastonner avec Ambrose, placer le Lunatic Fringe dans le Coquina Clutch. Ambrose va s'évanouir. Il n'abandonne pas, mais il passe out, hein, comme on dit. Voilà, victoire de Joe. Jason Jordan qui a foutu la merde et qui est en train de se monter une petite rivalité avec Ambrose, on dirait. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Bah moi j'aurais bien aimé qu'Ambrose abandonne parce que je trouve ça jamais très crédible là, les histoires des mecs qui s'évanouissent en deux secondes. Mais bon, c'était pas. Surtout qu'il a un mauvais selling Ambrose dessus. Hein. Oui, voilà, comparé à ce que faisait Lesnar, tu vois, où il devenait tout rouge ou machin, l'autre il fait pas trop d'efforts, hein, Ambrose dessus. Non, c'est sûr. Mais bon, tu le disais, là on a eu trois matchs des trois mecs du Shield, et ben l'histoire qui nous est racontée, bon déjà c'est que Samoa Joe est quand même très fort et ça on le savait, hein, c'est un bon bourrin. Et puis bah, que Ambrose c'est quand même un peu le maillon faible du Shield niveau performance in ring. Déjà c'était le moins bon match des trois. Et puis c'était aussi le plus rapide. Bon, du coup, ils ont camouflé tout ça avec Jason Jordan. Je sais pas trop vers quoi on part. C'est vrai que, en soi, l'interaction Ambrose-Jason Jordan, je trouve ça pas inintéressant. ça peut donner une rivalité sympa. Mais on continue dans ce qu'on disait la semaine dernière, hein, c'est-à-dire que c'est le Shield, mais bon, c'est quand même les trois mecs qui se sont... Ils ont été ensemble 5 minutes au début du show, là, même pas. Ouais. Sinon, ils arrivent chacun sur leur musique d'entrée, tu les vois pas en coulisses entre les segments, donc est-ce qu'on va pas vraiment vers un... je sais pas, un split sans vraiment en être un, c'est-à-dire que les mecs chacun repart finalement sans se trahir ni rien, mais dans des voies différentes. Je sais pas, je pense pas, mais je pense qu'on va garder encore les tickets de Shield un peu puisqu'il y a les t-shirts à vendre. Mais bon, ils ont plus l'impression, ouais, ils font plus chacun leur vie qu'avant quand même. Hein. Ouais, quand Samoa Joe au début du show dit bien, ouais, le Shield, c'était ces mecs qui venaient, qui voyaient la moindre faiblesse chez l'Undertaker, chez Evolution, et qui venaient taper dedans. Bon, bah là, c'est plus ça, quoi. C'est les mecs qui gardent le label, mais bon, qui vivent un peu chacun leur life. Ouais. Enfin, sur la soirée de ce soir, en tout cas. Après, c'est sûr qu'il va rester des tag teams contre The Bar et tout ça, mais... Ouais, bah tout doucement, ils commencent à être en difficulté contre The Bar, hein, et ils vont plus pouvoir avoir droit à des opportunités s'ils continuent à tout perdre. Mais on ne sait pas ce que l'avenir peut dire là-dessus. Il y a Jason Jordan qui est dans l'histoire aussi. Je pense que normalement, il y aura sûrement un match Jason Jordan Dean Ambrose la semaine prochaine. Maintenant, voir si ça va aller plus loin que ça. Ouais, comme tu dis, on n'est quand même pas sur le Shield badass qu'on avait à l'époque. C'est un peu un Shield light. Les voir se faire laminer en début de show, c'était quand même assez. C'est pas très reluisant, quoi, hein, pour faire monter le truc. Mais bon, après, ils ont intérêt à muscler leur jeu aussi, hein, parce qu'en face, t'as quand même. Cesaro, Sheamus, eux, les mecs là, ils sont un peu morts de faim, moi, donc et ils comptent pas lâcher leur place en haut de l'affiche, hein, je pense. Hein, on leur donne un peu, peu le spotlight. Puis... ils ont le talent pour le garder, et peut-être même plus que Ambrose et Rollins. Hein. Et puis en face, avec eux, c'est qu'il y a 2 mois c'était le Miz, et là maintenant c'est Samoa Joe, donc c'est plus tout à fait non plus la même. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ils ont gagné au change là, donc ouais. Donc voilà, il faut que le Shield il muscle. Je vais pas reprendre 14 fois cette expression, mais. Je l'aime bien. Non, mais comme je dis, le Shield il dépasse jamais ce qu'on leur donne. Ils font ce qu'on leur dit de faire, mais ils vont jamais transcender le truc. Alors qu'un mec comme Cesaro, il a redynamisé toute la division tag team à lui tout seul, quasiment. Sheamus, il a monté d'un cran son niveau de catch là sur l'année. Samoa Joe. Mine de rien, c'est le taulier alors que ça fait quoi, un an qu'il est dans, même pas un an qu'il est dans le roster. Pas. Voilà, s'il continue à vouloir avoir absolument le Shield comme le fer de lance de Monday Night Raw, ça serait bien que les trois du Shield ils commencent à nous proposer des trucs un peu plus innovants que ce qu'ils font à l'heure actuelle. Je pense que c'est ce qui mine aussi un petit peu l'évolution de Monday Night Raw. Puisque c'est eux qui sont vraiment au sommet de la chaîne alimentaire théoriquement, hein, les trois là. Ouais, c'est mais bon. Leader du roster, etc. Mais est-ce qu'ils ont les compétences pour Moi, ça me paraît pas inintéressant parce qu'ils auraient très bien pu faire de la pop facile en faisant revenir le Shield à l'ancienne, qui descend des escaliers, qui tape tout le monde et qui devient chacun sa ceinture en 2 semaines. Mais non, du coup, ça fait un peu ce côté, les vieux potes qui veulent se remettre ensemble, mais hein, tout se passe pas comme avant, hein, on n'est plus comme il y a 3-4 ans. Là, on les attend, on sait qui ils sont, on est prêts, il y a de l'adversité, donc il va falloir, je sais pas si c'est ça qui est, si c'est écrit comme ça, mais comme tu dis, ouais, ils vont devoir se sortir un peu de leur zone de confort, puisque c'est une expression à la mode, et là, ils vont devoir franchir les paliers. Alors, c'est vrai qu'avec le Rumble qui va pas tarder et WrestleMania derrière, je sais pas trop si on va aller vers un truc où ils seront tous les trois ensemble ou en solo, mais... Ouais. Mais il va falloir qu'ils soient un peu plus impressionnants. C'est ça, exactement. Donc, on attend de voir ce qu'ils vont nous donner. Parce qu'ils ont déjà tous été champions. Ils ont déjà été au sommet. Ils n'ont plus rien trop à prouver non plus. Et ils n'ont pas l'air d'être trop motivés pour, pour en faire plus que ce qu'on leur demande. Donc ça, on espère que ça va changer dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a quasiment fini, je crois. On a quasiment fini. On a le Titus Worldwide. Oui. Et oui, ils sont en coulisses. Et avec Dana Brooke. Et Dana Brooke est la nouvelle, nouveau membre du Titus Worldwide. Elle est embauchée. Elle va s'occuper. Elle sera statisticienne, je crois. Et responsable marketing ou je ne sais pas trop quoi. Là-dessus, il y a Gallows et Anderson qui débarquent. Entre-temps, Apollo Crews aura tapé un délire là tout seul. Il essaye de se monter un personnage, visiblement. Hein, il commence à être très content, à sauter dans tous les sens. Gallows et Anderson débarquent. Ils viennent se foutre de la gueule hein, de Titus Worldwide dans les traitants de nerd. Mais tout ça est coupé par un rugissement. Tout le monde s'écarte. C'est Braun Strowman. Laissez passer le monstre. Il va aller affronter Kane. On arrive au main event. On apprend quand même que le Shield va affronter Joe et The Bar, Tribute to the Troop, cette semaine. Hein, il y a un show pour les soldats cette semaine. Et la semaine prochaine, Brock Lesnar, c'est noté sur le truc. Brock Lesnar sera là ce soir. Non, la semaine prochaine, pardon. Il est de retour, le champion universel qu'on n'avait pas vu depuis un bon mois maintenant. Braun Strowman contre Kane. Alors, bah, évidemment, les deux monstres, hein, ils se foutent sur la gueule. Concours de choc slam. On va à l'extérieur du ring, on s'explose sur les barricades, on va dans la foule. Tellement qu'on va dans la foule qu'on se fait décompter à l'extérieur du ring. Donc le match se termine assez rapidement sur un double décompte extérieur. Alors le match est terminé, mais la guerre n'est pas terminée. Les deux monstres continuent à se foutre sur la gueule. On va utiliser les escaliers de fer. Donc l'un contre l'autre, télescopage, chacun à son escalier. C'est quand même Braun Strowman qui a l'avantage. Il finit par prendre Kane, l'exploser sur une table. On va se relever quand même à un moment donné. Kane se relève façon Undertaker. Braun Strowman limite un peu plus tard. Ça continue à se fighter. Et puis, bah, effectivement, Braun Strowman finit par exploser Kane dans une table. Hein. Ça se termine comme ça, non? Il y a un choc slam qui est tenté sur Strowman qui a réussi à le contrer. C'est ça. Et après, il explose dans la table. Braun Strowman triomphant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce gros match de monstre spectaculaire? De match, comme tu l'as dit, il n'y en a pas vraiment eu. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc, on a eu, pour résumer, Kane qui a réussi à passer deux chocs slam d'affilée à Braun Strowman. Braun qui lui en a passé un. Et ensuite, on est parti se mettre sur la gueule à l'extérieur et on a oublié le décompte. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on est resté quand même bien 5 minutes à poursuivre le show sur ça, donc sur une fin de brawl, et avec Michael Cole et tout le monde qui disait au micro mais qu'est-ce qui se passe, parce que c'est quand même le match, on nous a dit, hein, c'est pour choisir l'adversaire de Brock Lesnar au Rumble, donc c'est pas pour rien, et on nous a bien dit, ah bah oui, mais là, et techniquement, ils ont tous les deux perdu. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, sachant qu'il n'y a même pas... deux semaines, une semaine, je ne me rappelle plus, on a eu un main event qui mettait en jeu les ceintures tag team avec Sheamus qui perdait par disqualification et de suite Kurt Angle qui arrive pour dire non, ça n'a pas du tout, on refait. Donc là, c'était bizarre que pour un match de cet enjeu, il n'y ait pas quelqu'un. Moi, j'étais persuadé que Angle allait arriver pour nous dire non, on refait, mais ce coup-ci, false count anywhere ou je sais pas, bon, nos disqualifications, un truc un peu. En plus, on avait vu Kurt Angle quelques minutes avant en coulisses dire à un agent technique il va falloir renforcer le ring, ce qui finalement, ce segment n'a servi à rien. Donc, je suis un peu déçu, j'ai pas trop compris. Je sais pas s'il y a eu du nouveau depuis. On aurait été à SmackDown, on aurait de suite eu un tweet de Shane pour nous dire quelle était la décision. Là, on va peut-être attendre une semaine comme ça. Bon, c'est bizarre comme choix. Et j'ai l'impression. Enfin, comment ça s'est fini? Pour moi, ça pourrait. Je pense pas que ça Ça pourrait clore carrément la feud parce qu'on a vu ce moment où Braun s'est relevé façon Undertaker et Kane a eu l'air complètement paniqué. On avait l'impression qu'il comprenait que bah, on a l'impression que là il avait compris que c'est, bah, il était tombé sur un trop fort pour lui. Et puis d'ailleurs, Strowman l'a défoncé ensuite et a fini le show les bras levés en hurlant et la foule l'acclame. Donc on est toujours sur la même configuration, hein, c'est-à-dire que ce Strowman il est hyper poché, mais il est totalement accepté par la foule. Les gens ont envie de le voir. Il fait des gros trucs de Golgoth comme on n'avait pas vu depuis très longtemps. Mais là, du coup, la décision de ce lundi soir, pour moi, ça finit un peu ben, ouais, en eau de boudin, quoi. C'est bizarre. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais. Bah effectivement, j'ai quelques réserves sur le fait que le match se termine vraiment très rapidement et Ouais. qu'ils n'ont vraiment pas fait grand-chose dans le ring, à part des chokeslam. Mais bon, il faut peut-être se rendre compte que Kane, ça va commencer à être vraiment très très limité. On avait eu cette rivalité avec le Big Show qui avait quand même donné un bon match dans la cage. Le Big Show visiblement arrive encore à sortir des trucs un peu plus percutants que Kane, mais Kane il est vraiment très très vieux, hein. C'est vraiment le plus vieux du roster, même s'il est encore physiquement relativement impressionnant. C'est un des seuls qui peut rivaliser avec Kane, avec Braun Strowman, parce qu'il est, il est un petit peu plus grand. C'est quand même assez limité. Donc après on est parti sur la brawl, mais par contre ça a fonctionné du feu de Dieu avec le public. Les gens sont vraiment à fond derrière Braun Strowman. Et les gens étaient venus voir Braun Strowman utiliser des chaises pour taper sur Kane, traverser des tables. C'est vraiment un main event qui a fonctionné. Donc les réserves que j'ai sur le fait que par rapport à l'intrigue, tout ça est un petit peu décevant. Pour moi, c'est pas grave parce que le main event a fonctionné et que là, ils sont vraiment en train de construire quelque chose avec Strowman. Qui fonctionne. Donc ça, pour moi, c'est plutôt réussi. Après, est-ce qu'on va s'orienter peut-être sur un triple threat Royal Rumble, Kane, Brock Lesnar, Strowman, parce qu'ils ont l'air de vendre quand même le fait que Kane n'a jamais affronté Lesnar comme un atout. On va être fixé, je pense, la semaine prochaine assez rapidement, puisqu'ils ont, d'après ce que j'ai, d'après les rumeurs, d'après ce que j'ai entendu, c'était Finn Bálor qui devait affronter Lesnar au Rumble, qu'ils ont jeté tout ça aux toilettes, et que donc là, ils sont un petit peu dans l'improvisation sur qu'est-ce qu'ils vont produire. Lesnar, Strowman, donc c'est du déjà vu. Maintenant, ça avait été assez décevant, Strowman, Lesnar. Il y a moyen de refaire quelque chose de plus. De bien meilleur. Maintenant, est-ce qu'ils veulent absolument faire un Kane impliqué et un Kane qui affronte Lesnar pour la première fois et peut-être la dernière? C'est pas impossible parce que sinon, je pense que Braun Strowman aurait gagné le match ce soir, quoi. Il n'y a pas trop de raison de continuer la rivalité si c'est pas pour qu'il y ait un résultat différent que Braun Strowman challenger au Rumble face à Lesnar. C'est ça qui m'inquiète. Bon, de toute façon, on connaît la WWE, hein, toi, depuis plus longtemps que moi. En général, quand ça finit en égalité, on nous dit ah, bah, finalement, ok, c'est les deux triple threat. Bon, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que dans les triple threat, il y a toujours bah, cette possibilité voilà, que, et, on alterne les 1 contre 1, donc ça laisse le temps au mec de se reposer. Mais ah, ça sera sûrement un match de Golgoth. Bon, voilà, c'est Kane, quoi. Ça, bon, il s'en sortira peut-être mieux dans un triple threat, mais est-ce que ça va pas être gros comme une maison, qu'il va passer un tiers du match à roupiller pendant que les autres font ce qu'ils. Et puis, bon, bah, ça va encore laisser l'occasion à. Oui, Lesnar va sûrement. Si c'est le cas, ça va être Lesnar qui va gagner, mais peut-être Strowman qui va pas prendre le tombé ou un truc comme ça. Ouais, ce serait dommage de refaire un match Lesnar-Strowman pour que Strowman ne gagne pas, parce qu'il faut quand même, il Ouais, faut quand ça même va. qu'il le gagne un jour le titre Strowman. Et puis ça va écarter Strowman du Rumble aussi. Ça, ouais, ça c'est un truc auquel j'ai pensé. C'est vrai qu'on n'en a pas encore discuté, mais c'est une très grosse, un très gros favori qui sort du Rumble, a priori. Donc, du coup, beaucoup de pronostics qu'on avait, notamment sur le forum des Cahiers du Catch et sur les articles postés récemment, comme quoi Strowman apparaissait comme le favori 5 étoiles de ce Rumble match, ben, s'il n'est pas là, ouais, je trouve ça super intéressant en fait. J'aimerais bien qu'il soit dans le match de Lesnar juste pour ça, juste pour se dire putain, mais du coup, qui va gagner? Alors, est-ce que ça va être Samoa Joe, le favori numéro 1 peut-être, ou Kevin Owens, ça rebat les cartes, c'est pas mal. Donc à voir, ça peut quand même être sympa d'avoir un triple threat entre les trois Golgoth. Kane a suffisamment de, quand même de bouteilles pour qu'il soit pas le boulet du match, quoi. On l'a déjà vu se sortir de trucs plus périlleux que ça. Maintenant, ce sera peut-être pas très vendeur, à moins qu'il passe les semaines qui viennent à tout casser, ce qui n'est pas impossible non plus. Hein, puisque, après, ils ont sorti l'artillerie lourde hein, dans Raw ces derniers temps. Ouais, ils ont encore le temps d'en rajouter un quatrième éventuellement, mais on a déjà eu un Fatal 4-Way avec Lesnar à SummerSlam, donc c'est vrai que c'est chiant parce que Lesnar il défend pas souvent, il est pas souvent là. Là, il a pas défendu depuis septembre, hein, depuis le match contre Strowman, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre AJ Styles, mais c'était champion contre champion. Ouais, donc de septembre à janvier, ça fait long quand même. C'est clair. Donc il ne faut pas se rater sur les affiches. Il ne faut pas se rater sur les affiches. Et il y avait AJ Styles la dernière fois. On sait que les deux précédentes n'étaient pas fantastiques. On va passer au mot de la fin. J'ai dans la régie, on me dit qu'il est temps de passer au mot de la fin. Donc, un top, un flop, une note. Raph, dis-moi. Eh ben, moi, je vais donner mon top à Drew Gulak. J'ai trouvé que c'était celui qui était le plus drôle de tout le show et le plus inattendu. Il a bien volé le show. Le flop, je vais le mettre à cette fin sans décision. Ça m'a un peu gâché le plaisir. Je pense que Strowman qui fait un brawl sur Kane, comme tu l'as dit, quand t'es dans l'arène, ça fonctionne à mort. Quand t'es devant ta télé ou devant ton PC, bon, tu te dis, les 5 minutes, là, elles sont un peu longues, ok. Bon, il met dans les escaliers, ok. Mais bon, merde, encore une semaine à attendre. Et j'ai trouvé que c'était, comme la semaine dernière, un très bon Raw. On est parti sur des Raws depuis 2 semaines où il n'y a pas tant de gens. Enfin, toutes les séquences sont très liées. Là, on a eu quand même 3 gros matchs qui font partie de la même FUD. Le Shield contre Cesaro, Sheamus et Samoa Joe. On a des très bons matchs. On n'a quasiment aucun déchet. Enfin, tu vois, le flop, il est dur à trouver. Du coup, il y a des gens qui sautent d'un épisode à l'autre. Il n'y avait pas Elias cette semaine, mais je reste sur la note de la semaine dernière. Ça vaut un 4 pour moi. Je trouvais que c'était un vrai bon show. Le Rumble est encore loin. Survivor Series est déjà loin, mais on remplit bien tout ça. All right, un bon 4. À toi. Le flop, je vais le donner. Qui c'est qui mérite un flop? Une personne qui a été trop catastrophique. Je vais le donner au booking de Baylor qui est coincé dans la mid-card. C'est triste. Le top, je crois que je vais le donner à Cesaro et Roman Reigns, qui pour moi fait un super match. Et la note, je vais mettre 3,75, un petit peu moins que 4, je sais pas pourquoi, mais c'était quand même un rôle super spectaculaire, blockbuster des familles. Il y avait du très très bon catch, Braun Strowman ça fonctionne, les Hardy ça fonctionne, Matt Hardy ça fonctionne aussi, pardon. Il y a plein de petits trucs qui fonctionnent. Samoa Joe également. On a envie de voir la Wyatt. Suite. Ouais. Bray Wyatt. Ça le rend un peu intéressant, je trouve. Cesaro, comme tu l'as dit, là, si on est en décembre 2017 et qu'on le voit faire ce match-là, on se dit là, il faut lui donner un gros truc pour 2018. Quoi. Il faut que ça soit son année à Cesaro. Là. Même si c'est à SmackDown, même si c'est pas forcément dans le A-Show. Mais... Ouais. Ouais, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'il l'a prouvé encore une fois ce soir, hein, ce bon vieux Cesaro. On a fait le tour de la question. Donc, du coup, on va passer à l'auto-promo. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne Catch Up, le podcast qui transpire le catch, hein, sur iTunes, sur PodCloud. On est sur Twitter, c'est Catch Up CDC, sur... c'est quoi l'autre truc ? Facebook, SketchUp, c'est le DC aussi. Sur Facebook. Voilà, abonnez-vous, hein, vous cliquez en haut à droite, là c'est gratos, vous mettez un petit like aussi pour mettre un pouce, vous mettez aussi la petite cloche là, comme ça vous êtes alerté dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort. Le supplément SmackDown arrive en fin de semaine avec une team de remplacement, je pense que Hank sera aux commandes. D'ailleurs on remercie Hank pour la technique. Merci Raph, Hank à la sono. c'est ça, Raph, je te remercie beaucoup d'être venu. Oh, ce fut un plaisir, comme d'hab, d'analyser Monday Night Raw avec toi. Je ne sais pas si on va empiler pour une troisième semaine, on verra ça, mais pour le moment, on est gâté. Ça fait 2 semaines qu'on est gâté. Je pense qu'il n'y a pas Ouais, de hasard. 2 semaines, du bon catch, une bonne équipe, on est bon. Voilà, bah, on espère que ça vous a plu et bah, je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao. Revoir.